Situation désespérée pour une génération blasée. Les chemises à fleurs en fanent et puis les uniformes en poussée. Sur les épaules fragilisées de nos enfants désorientés. Et c'est dans nos miroirs glacés que leurs regards vont s'enflammer. Où est passée l'utopie? Celle des barbus qui semblent avoir changé d'idée. Ouais, passer l'utopie, celle des chevelus qui s'accomplissent.